La sœur Azette, bonsoir. Bonsoir, frère Joseph. Côte d'Ivoire dans la sainteté, c'est chaud aujourd'hui. Le frère Eden, bonsoir. Bonsoir, frère Comment tu vas? Je vais bien, mon frère, je vais bien, Et, à la ma grâce de Dieu. et madame, comment elle va, madame? Elle a côté, elle a des dans la tête, elle va bien aussi. Ok. Le frère Olivier Angoran, bonsoir. J'adore mon trou. Bonsoir, mon bien-aimé. Comment tu vas? Oui, très bien, mon bien-aimé. Tu es un ancien de Skype, Ça se tu passe connais. très bien, à la grâce de Dieu. Voilà, tu es un ancien de Skype, tu connais comment ça se passe. Le frère Paul Espérance, bonsoir. Il n'a pas de casque, il n'écoute pas. Le frère Diamandé n'est pas là. Si, il est là. Il a coupé. Mais je ne le vois pas dans le groupe ici, il n'est pas là. Peut-être qu'on n'a pas sonné chez lui là-bas. Moi, je ne le vois pas. Alors, la Côte d'Ivoire, comment vous allez? Je suis content de vous voir aujourd'hui. On va bien par la grâce de Dieu. On va bien. Il faut que vous veniez au Cameroun aussi, non? Il faut que vous veniez au Cameroun. Frère Eden, vous allez venir au Cameroun quand? Amen. Voilà, on attend que la soeur Christine se connecte. Sa connexion n'est pas bonne. La connexion de la soeur Christine et les familles Espérance n'est pas bien. Ça tourne là, sa caméra, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, je suis content. La soeur, à cette tour, tu es toujours là où je connais. Oui, Non, toi, tu as la je suis connexion. toujours là. Tu as la connexion de l'Europe, quoi. La connexion ne dérange jamais. Amen. Hey, le frère Yao. C'est le frère Yao qui est entré comme ça. Le frère Yao Jules, bonsoir. Oh, frère Junior, mon frère, Oui. l'ami, bonsoir. Bonsoir, je ne te vois pas. Personne ne voit le frère Jules. On ne le voit pas. Oh, mon frère. Oh, ma soeur, aujourd'hui, elle est contente de venir. Ah, c'est tout. Aujourd'hui, Eh ben elle est voilà. contente. Voilà la sœur Christine que je vois. La sœur Christine, bonsoir. Oui, du moins, pas la pleurer. Bonsoir, frère Junior. Yaou, on ne te voit pas. Hein. Voilà, il faut que frère Yahoo Vous mette ne sa voyez caméra. pas? Il n'a pas lancé son appel. Bon, à tout à l'heure, mon frère Olivier. Le frère Yaou. Il n'a pas lancé son appel. Moi, je vous vois, hein, frère Olivier. Oui, clique sur ta caméra tout simplement. Clique sur ta caméra, ça va, tu vas te connecter avec la caméra. Clique sur l'icône de la caméra. L'icône de la vidéo. La forme de la vidéo là. Normalement, vous avez quatre icônes. Il y a le rouge pour accrocher, le plus. Il y a le micro et il y a la caméra à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Normalement. La Sainte Christine, Mais ça, bonsoir. je n'ai pas affiché. Hein. Comment, frère Yahoo? Oui. Je n'ai pas affiché. Il faut essayer de voir. Bon, je fais comment? Je relance encore l'appel, d'accord? D'accord. Parce qu'il ne voit pas le frère Diamand et il ne le voit pas. La Côte Je d'Ivoire, vais la sainteté. l'avertir en même temps. Ok, donc je relance encore. Oui. Voilà. il envoie celui qui reçoit la question sur mon nom. Le frère Yao a encore décroché sans la vidéo, bon, de toute façon. Oui, vraiment, non. C'est à moi ce qui reste. Oui, mais tu n'as pas la vidéo. Mais il faut décrocher par, avec la caméra, là. Bon, le frère Olivier Angoran, frère Olivier Angoran, tu es un ancien, explique-lui ça. Il y a une caméra qui est affichée, là. Une caméra qui est affichée sur l'écran, là. Il faut décrocher avec ça. À mon côté, quoi. Oui, il y a affiché, là, lorsqu'on lance l'appel. Faut regarder sur ton écran, là. Rien à afficher, là. Le dessin affiché sur l'écran. C'est le nom seulement qui est affiché. Il faut toucher l'écran avec le cuisseur, tu vas voir, ça va venir. Tu as vu l'endroit, tu as vu le rouge là pour accrocher? Voilà. Oui, je vois le rouge. Ok, maintenant, dis ce que tu vois encore en dehors du rouge. Tu as vu là où il y a le micro? Non. Bon. Tu vois la caméra et puis... Le frère Guillaume dit... Tu vois la caméra, non? Tu vois la caméra, oui. Oui, ouais. Tu cliques la caméra. D'accord. Voilà. Bingo. C'est fait. Oh, ça c'est tout. Tu apparais maintenant. Voilà. Je vais caler devant vous, mec. Oui, mais frère Yao, tu vois que la nouvelle technologie là, c'est pas facile, non? Oui, vraiment, mon frère, pareil, vraiment. C'est vraiment perdu. Mais ma soeur, je te vois pas bien. Hein. Vous ne me voyez pas bien? C'est la soeur Jimbel. Oui. Ils ont un problème de connexion. Ah bon? Oui, elle a un problème. Tu as bien fait de rester à la maison sur toi aujourd'hui, assez tout. Je te dis, hein. Le dimanche, c'est pas tellement raté. Oh mon frère, tu n'en as pas content de rester au Divan encore. On s'est promené avec internet là partout, jusqu'au bord de la mer pour pouvoir avoir connexion, il n'y a pas. Ah, quand tu es aujourd'hui, tu es resté à la maison. Le frère Guimandé dit qu'il est en route, il est en train de conduire. Ok, le frère Guimandé dit qu'il va nous prendre en cours. En fait, lorsque le forum est rentré, si quelqu'un est dans le forum, il peut revenir à tout moment, il peut entrer à tout moment. Lorsque le forum est lancé, il peut revenir à tout moment. Bon. Voilà, ça va, je reviens. Oui, je reviens là. On nous a coupé l'électricité là, le temps que je mette la lumière artificielle. On nous a coupé la lumière, je reviens. Restez en ligne. On ne veut pas qu'on parle en Côte d'Ivoire. On va parler en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On va parler. Amen. Une tablette. mère savait qu'il t'avait fait ça. Mais déjà, c'est pas si c'est au point. La connexion là-bas, c'est pas bon. Mais dis-moi, je pensais que tu étais en train. Oui, mais on n'a pas pu, on n'a pas pu les enseignements parce que ça te connaît aussi comme ça. Je je vous écoute, Saint-Sucin, la soeur Azetou Adaraï. J'écoute toute la conversation et toute l'émouvance de la Côte d'Ivoire. J'écoute. Donc, c'est tout simplement que je travaille en parallèle avec ceux de l'Allemagne. Ils doivent être connectés à 7 heures. Donc, je leur dis de patienter pour que je travaille d'abord avec vous. C'est pour cela qu'ils sont en train de leur écrire. Voilà. Le frère demande de soit concentré au volant. Tu sais comment il y a le chauffeur là-bas à Abidjan, non? Pardon? Il faut concentré sur la dans la conduite. D'accord? Oui, non, ça va. Oui, d'accord, ça va. Tu es à quel niveau là exactement avec ton véhicule pendant que tu roules là? Oh, je suis en zone portuaire. Zone portuaire. Le frère Eden, tu es dans quelle zone d'Abidjan? Oui, je suis à Kumasi présentement. À Kumasi. Et le frère Olivier Angora, c'est à Bobo ou c'est où là? Yopougon. Le frère Yao Jules, de quel côté? Tu es à Yaoundé ou bien à Douala ou bien à Ngoudi Bakoko ou c'est où? La soeur Aseto Adara, c'est la zone 4, n'est-ce pas? Oui. La zone 4. Je crois que la... Oh là là. Oh là là, ces gens-ci ne comprennent pas. Ils ont un problème avec la connexion. Le bruit sort de chez Frère Yao. Frère Yao, il y a des bruits chez toi. Il faut couper. Il y a beaucoup de bruit chez le Yao. Frère Yao, le bruit sort de chez toi. Je suis dans la chambre, il y a personne. Je suis celui ici. Mais qui va voir? Non, c'est pas chez moi. Ok. Donc tu te défends, bec et oncle, que le bruit n'est pas chez toi, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes prêts alors à ce qu'on commence cette nouvelle expérience dont avait la parole? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, dites-moi donc, comment ça va, comment vous allez depuis? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, mes frères? Avez-vous des questions? La connexion des frères Yao a chuté. La connexion des frères Eden a chuté également. Et chez la soeur Azetoudon. La connexion a vraiment chuté en Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Non, je suis toujours connecté. Ok. Je suis toujours connecté. Vous êtes là, oui, c'est bon, vous êtes là. Mais malgré le déplacement du frère Diomande, sa connexion est constante. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi sa connexion est différente du vôtre comme ça? Et la connexion du frère Olivier. Avec Move. Non, Orange. Sans publicité, c'est Bamba Iba. Alors, le frère Espérance, Paul Espérance, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends depuis la soeur Christine? Vous m'entendez? Oui, vous entendez. Voilà. Ah, madame. Comment va Tchabda, le frère Eden? Comment va Tchabda? Oui, Tchabda, elle va bien. Par la grâce du Seigneur. Elle va bien. C'est amusant de trouver un Ivoirien qui s'appelle Tchabda. Ma maman dit, c'est où est-ce que tu as enlevé le nom ça? où est-ce que tu as ramassé ces noms là, n'est-ce pas? Mais là, frère Eden, tu as fait fort là. Non, mais Dieu là, en fait, Dieu, pour ceux qui demandent, Dieu là dit seulement que de la même manière aujourd'hui on trouve les Jean, les Paul, les Matthieu, tout ça parce qu'on a vu ça dans la Bible. C'est de cette même manière. S'il y avait une nouvelle version de la Bible, on allait voir ces gens de noms là dedans. Aha! Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mm. Voilà. Le frère Jules Yao, comment va madame? Oui, par la grâce de mon frère Junior, elle va très, très, très, très bien. Voilà. Vraiment, depuis vraiment son passage en Côte d'Ivoire ici, vraiment, vraiment, on se sent maintenant chrétien. On se sent maintenant chrétien. Tu vas entendre les nouvelles de Dieu. Oui. Très, très, très. Amen. Amen. Amen. J'aime ça. J'aime cette phrase. Tu vas entendre les nouvelles bientôt. J'aime ça. Tu vas entendre les nouvelles bientôt. J'aime cette phrase-là. Alors, chacun parle. Alors, chacun parle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Parlez-moi. Qui parle maintenant? C'est la sœur. Non. Frère Yao, parle d'abord. Frère Yao, d'abord. Parle tout. Dis tout. D'accord, mon frère Junior. Vraiment, mon frère, je suis vraiment très, très, très ravi de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment c'est une grande grâce pour moi. C'est une grande grâce, vraiment. Ma joie est vraiment partagée. Merci qui sont vraiment. Depuis, vraiment, quand tu es passé en Côte d'Ivoire, non, pas même là, même depuis que j'ai commencé à t'écouter sur Internet, sur YouTube, avant de bêtiser les chrétiens, mais à travers l'enseignement que j'ai écouté, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Et après encore, en Côte d'Ivoire. Moi, dans deux jours, là, ce qui m'arrive, je me demande si c'est pas folie pour moi, là. Je vois sur les gens ce qui m'arrive. Parce que j'ai du mal à fermer mes yeux. J'ai du mal. Dès que je fais mes yeux, hein, j'ai toujours un problème. Avec mes yeux. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer cela. Je suis vraiment chargé. À moi-même, quand je suis chargé, oui, c'est que tu n'as pas à faire sortir, mais c'est pas tant. Les choses se manifestent. Les choses spirituelles, les choses. Mais à moi, ça me passe. Je me sens un esclave. Là, je ne peux pas échapper à cela. Et quand il ferme les yeux, avec moi. Donc, souvent, quand il pèse avec les yeux, la question, je m'assure cela, là, si c'est un individu qui pense, vraiment, ce n'est pas ça. Je ne vais pas être mon Dieu. Quand je songe, je fais des délivrances. Je vois certaines personnes qui sont en train de chasser les démons. Et souvent, je sens encore pour ne pas arrêter parmi des gens qui m'observent avec une entière vraiment soumission. Je leur prêche la parole avec vraiment une autorité. Quand je fais mes yeux, vraiment, il y a plein de choses. Si vraiment je t'explique, vraiment, ce n'est pas encore manifesté sur le plan physique. Mais à moi seul, avec Dieu, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et même quand je suis assis sur lui, personne autour de moi, je sens à moi que je parle, je communique. C'est vraiment les choses que je fais dans cette conversation avec l'esprit. C'est les choses que, dans mon autre présent, même que si, il ne peut pas comprendre, pas vraiment, cette sagesse, ça ne peut pas. Mais fait vraiment réjouir sans aller à une autre. Je vois que c'est la grâce. La grâce qui a fait vraiment grand. C'est grand. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je sais que vraiment, je suis chargé. Et bientôt, c'est à moi. Ce que bientôt, ça va déclencher. Là, je le sais. Amen. Amen. Amen. Donc la Côte d'Ivoire n'a qu'à s'attendre là. Il faut que la Côte d'Ivoire t'attende là, quoi. Oh mon frère, je t'aime vraiment. Je vous aime. Je crois que comme la connexion dérange chez vous, coupez les vidéos pour que la connexion soit un peu fluide. Coupez les vidéos, voir. Coupez tous les vidéos. Thank you. couper les vidéos, ça va améliorer la vidéo, la connexion. Eden, ça va? Le frère Eden n'a pas de vidéo coupée, son vidéo n'est pas coupée. Coupez les vidéos plutôt. Vous laissez là en audio, comme ça, ça va s'améliorer. Personne qui coupe, oui, le frère Eden coupe ta vidéo. Le frère Diomande, sa connexion est bonne. La soeur Assetou également. La soeur Christine coupe ta vidéo. Le frère Yao, je coupe ta vidéo. Coupez les vidéos comme ça. Je crois que la connexion, la bande passante va être un peu plus améliorée. Coupez les vidéos, vous restez avec le. Avec le avec... Oui, il va couper ma vidéo. Non, le frère. Le frère, je n'ai pas coupé la vidéo. Il faut encore cliquer sur le. Clique sur l'icône de la vidéo encore. Clique là-dessus. Là où tu avais cliqué pour que la vidéo vienne là, il faut cliquer encore dessus. Le frère Olivier Angoran, sa vidéo ne dérange pas, sa connexion ne dérange pas. C'est bien posé. Donc, lui n'a pas besoin de couper. Même la soeur Assetou également, sa connexion est bonne. Voilà, donc frère, je demande, c'est bon. C'est bon. J'ai coupé ma vidéo. Oui, oui, oui, c'est bon. Ok. Et à mon côté. Oui, le frère Yao, le frère pour aider n'est pas coupé. J'ai coupé ma vidéo. Oui, oui, frère, Eden coupe, il faut couper. Ouais, c'est coupé. La vidéo de frère Yao n'est pas coupée. Parce que quand vous allez couper les vidéos, la connexion va se stabiliser petit à petit. Je coupe pas mon côté, frère Gino. Non, ta vidéo n'est pas coupée. Coupe ta vidéo. Ne raccroche pas, coupe plutôt la vidéo. Clique sur l'icône de la vidéo. Ta vidéo monte toujours. Voilà, c'est bon, frère Yao, c'est bon. Voilà. La sœur Christine, si tu nous entends, coupe ta vidéo aussi. Le frère Arthur, si tu nous entends, coupe ton micro aussi. Coupe ton micro aussi. Le frère Arthur, parce que toi tu roules dans la zone. Voilà, coupe ton micro. Voilà, merci le frère Arthur. Ton micro est coupé, le bruit a baissé là-bas. Le frère Eden, tu m'entends? Oui, oui, je vous entends. Voilà, c'est bon. Vous allez voir que la connexion, au fur et à mesure, la connexion sera bonne. La communication sera bonne. La sœur Christine, on n'entend ni rien d'elle, ni la vidéo, ni le bruit. Je ne sais pas si elle nous entend. Si tu nous entends, coupe ta vidéo. Sa connexion n'est pas bonne du tout. On n'entend rien de ce qu'elle dit là-bas. Voilà. Le frère Yao. Le frère Yao, quand j'avais dit dans les enseignements, l'un des enseignements longtemps avant, que tu as reçu le même appel que moi, il ne sait même pas. Qu'est-ce que tu en as vu? Qu'est-ce que tu pensais quand tu as suivi cet enseignement et que j'avais dit ça là-dedans avant qu'on se voit en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai bien dit, frère Junior, ça avait fait comme ça, deux fois comme ça qu'il entend ça. Pas première fois, parce qu'à un moment, j'étais à quelque part. Dans une mission de là-bas, vraiment, il était vraiment zélé parce que le Messie disait qu'il s'attendait à faire vraiment le parfait de Dieu. Il était vraiment zélé. Il m'a fait rentrer même quand il fait un mois, deux mois, vraiment. Mon nom même était publié même partout. Vraiment, il faisait tout avec l'amour. Il faisait tout avec l'amour. De là-bas, même là, les gens parlaient que vraiment. vraiment, on me surveillait, mes frères prenaient vraiment soin de moi. Et après, quand un frère est venu vers moi, il a vu ma façon de me comporter avec la parole. Il m'a dit vraiment, je sens que tu as l'amour de la parole, mais il me dit que c'est un enseignement d'un frère qui est au Cameroun. Si vraiment tu as quelque chose qui te donne aussi pour que tu puisses l'écouter, il m'a donné quelques enseignements comme ça. Le premier jour, quand j'ai commencé à écouter l'enseignement, vraiment, ta façon de parler, je ne saisis pas bien ta façon, votre français. C'est que oh, j'aimais vraiment la parole de personne. Quelle personne presse avec une puissance, t'as vu. Donc, quand tu parlais, c'est un peu bizarre. Non, à chaque fois, quand j'écoute, il arrive sur toi, je zappe ça, je n'écoute pas. Mais je suis sorti, quand il s'est arrivé à l'autoroute, je vais traverser, puis c'est tombé. Non, comme il s'est donné de traverser, je vais laisser. Parce que je suis venu prendre le téléphone pour couper, peut-être il peut avoir au moins quelque chose là. Donc, il a laissé l'enseignement. Donc, il voulait traverser le goudron. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. J'ai oublié et j'ai écouté jusqu'à la maison. En partant, il dit, mais attends, cette chose-là, ça est dans mon portable depuis plus de réaliser. Donc, il a fait sortir le téléphone. Il a regardé. Il dit, mais ça, c'est ce que le frère à question m'a donné. Et un frère s'appelait Kofi comme ça. Lui, il est dans même à Bobo là. Donc, même je suis arrivé à la maison. Quand il s'est arrivé, il s'est allé me mettre au salon. Mes enfants sont devant la télévision. Il dit, pardon. On était dans la télévision parce qu'il y a des choses qui venaient découvrir. Parce que quand j'ai commencé à t'écouter bien ce jour-là, je sentais ce truc parce que j'aimais beaucoup entendre les gens prêchent la parole avec une autorité vraiment. Et quand c'est comme ça, ça me touche. Mais je voyais que, bah, c'est moi qui parlais de la doctrine de la prospérité. Où tu as pris comme ça, j'ai pris le chapitre 1, où tu as parlé de la gloire de Dieu, c'est Jésus même en personne, Jésus même en personne. C'est mon premier enseignement que j'avais reçu. Donc quand j'ai écouté, quand j'étais avec les frères, vraiment, je ne l'aimais pas beaucoup. Quand les gens parlent même de l'argent, c'est une chose. Ce n'est pas à moi. Comme je sais avec eux, c'est les gens qui sont à penser que nous, je prends ça comme ça. Mais à moi, ils ne sont pas d'accord. Comme ils viennent d'arriver, les gens qui sont là, ils voient les apôtres qui sont vraiment nommés, qui sont là. Ils viennent d'arriver, il n'y a pas encore 2 mois, donc vraiment. Mais à chaque fois, on me met devant eux, on dit vrai, oh, vraiment, viens vraiment nous exalter un peu. Quand ils viennent chaque, parce qu'ils voyaient la manière, les, ça bien, vraiment, c'est pas ça. Quand il dit toujours cette parole, il remarque, je me suis vraiment fait remarquer cette parole. À chaque fois qu'on me met devant, il a dit, il a toujours dit que donc, nous, ces enfants, on doit faire de la différence avec les gens du monde. Mais en faisant la différence, les gens vont savoir que vraiment nous avons un Dieu qui est différent avec les dieux. Quand il disait ça, mais déjà, on ne comprenait pas. Mais moi, ce que je disais, je regardais les façons de faire, que vraiment qu'on fait la différence avec les gens. Mais quand il disait ça au fond du cœur. Mais quand il disait ça, les gens m'attendent. Donc, quand j'étais écouté, ce que je cherchais toujours à temps, j'entendais ça. Donc, ça m'a énervé, même j'ai dit à mes enfants, même de sortir, j'ai coupé la télévision, j'ai fermé la porte là-dessus, moi, dans la chambre, il y avait 4 enseignements, j'ai suivi les 2. C'était long, mais il s'est fini, même, j'ai révisé. Donc, ce jour-là, matin, quand j'étais arrivé au travail, j'ai appelé le frère, il dit, ah, vraiment, l'enseignement que tu m'as donné là, si y en a encore, parce que j'ai écouté, ça m'a fait du bien. Si y en a encore, il n'y a pas de problème, si tu as écrit là-bas avant moi. Donc, je viens faire partie d'un esprit de 16 gigas. Il m'a copié cela. Frère Junior, quand il a commencé à écouter l'enseignement, un jour, il s'est allé dans l'assemblée où il était. Quand il s'est arrivé, j'ai regardé parce que tout ce que tu disais là, moi je suis parti. Parce que je suis parti aller voir, aller mettre ça là-bas pour voir vraiment si les gens voient ça. Si ça tient un peu, je vais le distribuer aussi. Mais quand je suis parti, par façon de faire, on dit non, c'est charné, ça ne fait pas ça, le pasteur dit bon, ne l'écoutez pas. Donc, quand je partais, je les regardais. Donc, pendant que je parlais, un jour même, je suis parti dans l'assemblée, il y a une fumée qui est tombée en tranche. On dit prophétie. Voilà, là-bas, on s'attend, on s'appelle plein de missionnaires. On dit missionnaire Yahoo. Missionnaire Yahoo. Et c'est en train de faire le pasteur du monde. Je descends de la chair. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le Saint-Esprit, il ne te voit pas. Où tu es parti? Il me posait la question. Mais je suis là. Pourquoi on me dit que je vais il y a un frère qui est tombé en transe comme ça, il s'appelle Cesse. Il dit là en esprit, il a fait révélation qu'il est monté aussi au père. Il voyait tous les frères, mais moi, il ne les voyait pas. Donc moi, je dis vraiment que je suis là. Donc, dans le cas de là où tout le monde a accroché dessus, peut-être comme le cas de là est grand, il faut bien fouiller. Peut-être qu'il s'est caché quelque part. Je dis non, je ne vais pas aller pas. Je l'ai fait de là. Mais sinon, il y a des autres enseignements. Et après, je suis parti, ça commence à aller. Et là-bas, vraiment, c'est un esprit vraiment terrible. Et là-bas, même, on peut C'est la chose que je voulais te dire, mais comme il n'y a pas eu l'occasion, d'abord, on t'a dit, je suis certain. Parle maintenant, tu en as l'occasion, parle. Parle maintenant, mon frère, parle, parle. Ouvre bien la bouche, parle, le monde t'écoute. Vas-y, parle. Quand il arrive, il ne peut pas. Quand il veut monter, quand il veut sortir, comme on fait, parce qu'on dit, allez, allons en esprit. Donc, on se met tous là-bas en parlant langue. Que là-bas, le baptême, dès que tu reçois le baptême, si tu n'as pas parlé en langue, c'est que ton baptême n'est pas passé. Donc, vraiment là-bas, chacun de nous a reçu la langue. Là, c'est automatique. Dès que tu baptises automatiquement, alors, parce que le baptême, il veut chercher à monter comme eux. Je me forçais, mais je n'arrive pas à monter. Je suis à monter vraiment, je suis descendu. Parce que les autres, la chose, quand en priant là-bas, quand je sors de mon corps, je sais que je sais que je suis sorti de mon corps. Mais depuis que j'ai donné l'enseignement, il fait presque 2 semaines, j'écoutais, je voulais m'envoyer. Je voyais moi que je suis descendu. Quand je vais faire, je monte. Il n'arrive même pas à. Le frère Yao. Oui. Je vais te poser quelques questions concernant cela. Ah ouais, je vais te parler. La soeur Assetou, coupe ton micro parce qu'il y a un peu de bruit chez toi aussi pour qu'on puisse bien écouter le frère Yao. Le frère Yao, dans cette assemblée, la soeur Assetou, il faut couper le micro. Le frère Yao, comment est-ce que vous faisiez là-bas? Comment est-ce qu'on enseignait pour que les gens puissent sortir de leur corps? Essayez de nous expliquer comment vous faisiez cela. Voilà. Comment ça? Parce que quand on arrive d'abord, on nous demande d'invoquer des. Ça, c'est la première chose d'abord. Quand on se réunit, on met une personne au milieu de nous et il nous fait prier tous. Parce que là-bas, on dit pour qu'on puisse vraiment remplir, pour qu'on puisse monter, il faut qu'on puisse remplir tout en langue. Donc, quand on arrive, il y a une personne qui se met devant nous et il fait monter. Il nous fait prier tous en langue. On peut prier en langue pendant au moins 30 minutes après. Et après, maintenant, de là, on invoque maintenant. C'est la personne de là-bas. On invoque maintenant le sang de Jésus. Parce qu'on dit maintenant, c'est par le moyen du sang de Jésus que nous pouvons monter dans le sanctuaire céleste. Donc, on invoque vraiment le sang. On invoque le sang, on invoque. En invoquant le sang, on sent que automatiquement, d'autres même tombent en tranche. D'autres même là, ils tombent à terre maintenant. Toi-même, tu dis que nous, il est devenu fou. Et par là maintenant, on prie tous. Et par là maintenant, on prie même là. Quand on prie, on sent plus même le corps. On sait qu'on n'est plus en loin. En tout cas, de là-bas, moi, je n'ai pas de vision. Mais en moi-même, quand je commence à prier, je sens qu'il y a une force. Il y a une force qui sortait de moi et ça me rend vraiment dur. Ça me concentre d'une manière. Je me sens dur, formé, concentré. Et après cela, maintenant, quelques temps après, quand il dit Amen, Amen, et chacun se donne ses textes, on pose des questions. Quand on est monté, qui a vu? Parce qu'il y a plein, même qui sont des prophètes, d'autres ont des visions, d'autres n'ont pas des visions. Mais nous deux, on sent vraiment la chose se manifeste à nous. En toi, tu sais que. Il y a une force qui sort de toi. Tu vois. Donc là, maintenant, on pose la question maintenant, en priant, qu'est-ce que vous allez vivre? D'autres, ils voient comme ça que vraiment, quand ils sont montés, il y a vu telle chose, qu'est-ce qu'il a vu? Et cette chose-là, vraiment, c'était vraiment réel. C'est une chose vraiment réelle. Donc, quand ils faisaient cela, quand les frères m'ont donné l'enseignement, pendant les 2 enseignements, quand ils arrivent, ils n'arrivent pas. Mais quand ils ont laissé l'enseignement, quelques 2 semaines après, je me suis retrouvé. Quand on s'est réunis, je prie maintenant, ça se manifeste. De là jusqu'à un jour, il était à la maison. Ma femme était là-bas aussi, elle avait une vision. Même si on a baptisé, quand on a commencé à bailler, avant qu'on nous baptise, on nous réunit vraiment au bord de l'eau et on nous demande de répéter une parole qu'on nous donne. On donne une parole. Au vraiment d'abord, on arrive, on dit Jésus baptise-moi. Et cela, on peut répéter cela à plusieurs manières. Jésus baptise-moi. On fait jusqu'à et puis de là maintenant, ta langue change comme quelqu'un qui n'est plus normal. Bon, ça parlait une langue même vraiment que toi-même tu ne sais pas comment expliquer cela. Et après que la langue commence à sortir maintenant, on nous demande maintenant d'invoquer le sang de Jésus. Et quand on invoque vraiment le sang de Jésus, que la langue soit vraiment propre, la langue là saute bien, et là maintenant on fait rentrer dans l'eau. Même juste on fait rentrer ma femme dans l'eau, quand ils l'ont baptisé, qu'elle est sortie de l'eau en même temps, elle a crié. Et après on lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit comme ça que quand ils l'ont mis dans l'eau, elle a vu un homme habillé en tout noir, comme un ninja, comme ça se passe à la télévision là, comme un ninja. Donc, de là, c'est là qu'il a reçu la vision. On est venu à la maison. Donc, c'est lui qui est arrivé à la maison. Il est sorti, allé même prier à quelque part. Quand il est rentré à la maison, il est en train de préparer ça. Si à côté, il me dit, hey, comme ça, chérie, est-ce que tu sais que la maison où on est là, nous sommes vaincus par Satan. On est tous vaincus par Satan. Mais quand elle a dit ça, quand elle a tourné son visage, la venait m'a regardé. Parce que j'étais là-bas, j'ai pratiqué. Frère Junior, oui. J'étais vraiment zélé. Oui. Je dis, oh, j'étais vraiment. J'ai un nom là-bas. Mon nom était même partout dans cette mission. Quand elle a dit ça, il y a un dans ses visages. Et il y a des choses à faire. On a des signes. Quand il y a une chose en train de se passer, par exemple, il y a un endroit, s'il y a une manifestation bizarre là, pour savoir si vraiment il y a un esprit qui est dans ce lieu, il y a des choses que il y a des paroles que je prononce, je répète ça à moi. Et puis à moi, l'esprit se manifeste à moi. Parce que là-bas, on disait que c'était le Saint-Esprit. Tu as vu? Donc elle a dit ça, il est composé. C'est ce qu'on disait, il est composé. Il dit, vous me suivez? On te suit, Serge. J'ai demandé qu'on coupe le micro. On a coupé le micro pour que tu parles bien. Que tout le monde coupe son micro pour que ça ne fait pas de bruit. Moi, j'ai coupé mon micro. D'accord. Donc, de là, quand ma femme a dit ça, il est composé. Frère Junior, j'ai dit comme ça que sur la base du sang de Jésus que nous avons mangé, nous avons bu, et sur la base de la chair de Jésus que nous avons mangé, de lieu de baptême en esprit, vraiment, si c'est ce que ma femme a me dit là, si c'est vraiment vrai, je veux sentir quelque chose. Frère Junior. Oui. Avant même de finir de dire ça, ça commence à se développer à moi. Je suis assis dans le fauteuil, mais il sentait à moi que, ça, un coup, il sentait que la présence est là, à moi. Donc, il a vu que ce que ma femme a dit, il ne sait pas si c'est faux ou c'est vrai, mais en faisant ainsi, il a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Donc, c'est là maintenant, il commence à me poser la question maintenant. Mais, qu'est-ce qui ne va pas dans cette mission? Donc, ce n'est pas là maintenant, je me suis retenu encore à la maison, j'ai pris des enseignements. Là, je copie aussi sur le téléphone, en marchant même dans les rues. Je commence à écouter. En écoutant jusqu'à. Et puis encore, je suis devenu vite encore. Quelques jours après, je passe dans l'assemblée. On m'a dit de faire monter les autres qui sont là. Frère Junior, j'ai commencé à prier, faisais tout. Ma langue, que je peux prier, il peut parler à la frère Junior. Vraiment, si je veux faire sortir la langue là, ici, tu vas arriver là-bas tout à l'heure au Cameroun. Parce que je commence à faire. Je fais, je crie. Je n'arrive pas à monter, mais que ça serait, je suis que la voix qui parlait en toi n'est pas un homme. Là, j'ai commencé à discerner ta voix. Je me suis mis en genoux à la maison. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, vraiment celui que j'écoute, s'il est vraiment, il est de toi, je veux des signes. Frère Jean, quand j'ai demandé cela, une semaine après, j'ai dormi dans mes songes là. Ce que j'ai vu, c'est vraiment terrible. Je ne sais pas comment t'expliquer cela. Mais je vais essayer d'expliquer ce que j'ai vu. Un coup comme ça, dans mes songes, j'ai commencé à vomir. Tu as vu? Lui a dit que non, si vraiment ce frère-là est vraiment, il est de toi, que si vraiment ce qu'il dit est vraiment de toi, tu veux avoir des signes. Parce que de là-bas, dès qu'il dit ça, parce qu'il disait ça avec l'esprit, quand il dit ça, une semaine après, il est tombé, dans mes songes, j'ai commencé à vomir. Mais frère Junior, ce que j'ai vomi, c'était comme les vers de terre, mais ils sont longs. Il dit, c'était vraiment vilain à voir. Il dit, je vomis, ça sort pas, je prenais ma main, je tirais comme ça, ça sortait de la bouche comme ça, je tirais. Et quand il tirait là, il sentait à moi, mon ventre, pendant qu'il tirait que ça sortait, mon ventre, ça diminuait. C'est comme mon ventre, dans cette chose là, comme mon ventre était ballonné comme ça. Mais pendant que je tirais ce truc comme les vers de terre là, mon ventre a diminué. Jusqu'à quand il venait de tirer, il dit, il était devenu faible, on dirait quelqu'un qui a gêné pendant au moins une semaine, n'a pas mangé. Dans mes songes là, il veut marcher, mais il ne veut pas marcher. Il était devenu faible comme ça. Il me suis sorti, il a cherché l'eau, il a bu l'eau. Frère Junior, depuis qu'il a fait ces songes là, un coup, il s'est allé dans l'assemblée. Quand j'ai arrivé là-bas, quand on me parlait maintenant, tout ce qu'on me disait là, ça m'énervait. Tout ce qu'on me disait, je ne sais pas, mon esprit de prière, il sentait que. Allez, je suis parmi eux, mais je ne suis pas là. Je ne me sens pas là, je ne me sens même pas là. Et puis, j'ai une force encore de leur dire les choses que je sens à moi. Donc, un jour, on allait, je dis à un frère que vraiment, la langue que nous parlons là, est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne? Moi, j'étais ancien, moi, j'enseignais ça à tout le monde. Donc, la question que j'ai posée, ça a énervé à tout le monde. On dit, mais non, je conseille, il faut fermer sur ça. Vous m'entendez? On t'entend, continue mon frère, continue. Il faut parler, continue. Tout le monde t'entend. D'accord. Voilà. Ils m'ont dit comme ça que non, il faut fermer sur ça. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus, il y a les nouveaux qui sont venus. Toi, tu es un ancien. Si vraiment tu poses la question comme ça dans l'assemblée, mais la connerie, ça m'énerve parce que j'aimerais que ce soit, je veux forcément que ça soit expliqué devant tout le monde. Mais on me prend de côté parce qu'il y avait un superviseur général. Il m'a pris de côté. Il dit non, tu es un ancien. Si tu fais ça, voilà, il y a les nouveaux qui sont venus. Si tu fais ça pour toi, Yahoo, tu es un ancien, ça va les décourager, ne fais pas ça. Donc, tellement c'était trop sur moi, je me suis calmé. Et après maintenant, quand on a fini cette réunion, ils m'ont appelé de côté. On dit, mais quel est ton problème? Il dit, non, il sent moi que la langue que nous parlons, c'est une langue qui n'est pas. On dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, mais je ne dis pas que vraiment, je écoute vraiment un enseignement de quelqu'un en cachette. Il ne dit pas cela. Tu as vu? On m'a posé la question. Il dit, non, vraiment, il sent moi qu'il y a quelque chose qui est derrière ce qu'on est en train de faire, que c'est caché. Parce que, frère, non, souvent, quand la prophétie tombe au milieu de nous, il dit, ta fille, même si elle met des tape sa patrie avec violence. Je suis le Dieu d'Abraham, du Saint Dieu de Jacob. C'est moi, je vous ai crié. Vous ne faites pas mon œuvre. Souvent, quand l'esprit a se mis au milieu de nous, c'est un esprit, il dit, non, on ne fait pas l'œuvre. Je vous ai choisi de faire mon œuvre. Vous êtes là. Vous ne portez pas du fruit. Et vous êtes là. Le don que vous avez reçu, vous avez agi. Il parle avec cette fille. Quelqu'un, il tombe en transe. Soit ici les mots, frère Yahoo, le don que tu as reçu, tu ne travailles pas. Où sont les âmes que tu as envoyées? Yahoo, pourquoi tu ne travailles pas? Tu dois avec le don que tu as eu. Quand l'esprit a vu, il tape sa patrie. Je suis le Dieu d'Abraham, du Saint, Dieu de Jacob, le Dieu de la terre des bonnes âmes. Donc, souvent, frère, quand il y a encore ces choses, je me pose beaucoup de questions. Mais attends, je ne comprends pas. Est-ce que ça fait un peu de semaine au milieu de nous, taper sa patrie pour dire que quand il est monté dans sa transition, il a fait ses songes, il a fait sortir ces trucs-là. Quand je m'en vais, quand il commence à poser cette question sur des doctrines qu'il nous présente là-bas, frère Gino, ce sont des questions qui viennent dans ma tête. Est-ce que Satan peut venir au milieu de nous, taper sa poitrine pour dire que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob? Quand la question vient dans ma tête, il dit à moi, dans ma tête, ça, tout dans ma tête. Quand ça vient pour ça, je ne peux plus. Quand comme ça, j'arrête. Parce que je n'ai pas de réponse. J'arrête. Tu as vu? Donc, c'est juste que j'ai posé la question là, ça commence à déranger. Jusqu'à ce qu'on a appelé l'apôtre en question, la mission est descendue. Il s'appelle Paul. C'est un monsieur vraiment, un Ivoirien ici. Il est vraiment grand de taille, il a la taille. Non? Mais on fait là, parce que partout où je me retrouvais, je posais la question avec les superviseurs, les gérants de lieu, parce que là-bas, il n'y a pas pasteur. Donc, seulement, on peut monter de superviseur, parce que superviseur, c'est quoi? Si quelqu'un, au moins, juste, parce que c'est dans les maisons, on ne se réunit pas. Là-bas, on ne construit pas des maisons, on ne paie pas des dîmes. On ne peut pas ces choses-là, même les offrandes, c'est des dons livres qu'on donnait. Mais on se réunit dans les maisons, comme la Bible demande. Mais partout où il passait, il y avait toutes ces questions-là. Donc vraiment, ils ont vu qu'il y avait un problème. Donc ils ont fait point à l'apôtre par la question que la mission est descendue. Que vraiment, le frère, il y a un missionnaire, il y a qui était à beaucoup ici, que tout le monde parlait de vraiment, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a. Vraiment, il a été séduit par de mon séducteur. Quand il est arrivé dans l'assemblée, lui-même qui est ancien, vraiment, les questions qu'il pose là, on ne comprenait pas. Donc l'apôtre même a il m'a convoqué, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, vraiment, t'as Bobo, les missionnaires qui sont à Bobo, on m'a appelé pour me dire que vraiment, t'as des questions que tu leur poses avant, ça les dérange, qu'au lieu de te faire l'œuvre là, tu ne fais pas l'œuvre, les choses que toi-même là, t'as déjà pratiquées, tu viens encore, tu les poses la question, vraiment, ça les dérange. Donc vraiment, quel est ton problème? Donc si tu as le temps, tu viens, ou si tu veux aussi, moi je me déplace, il vient chez toi à la maison. Je dis, ah, bon, d'accord, j'aimerais que tu viennes à la maison chez moi, parce que c'est à Bobo ici le problème qui se passe. Donc j'aimerais que quand tu vas venir, mes questions qui vont te poser, ça soit devant les frères qui sont ici, que chacun de nous soit édifié. Parce qu'il y a plein de questions sur mes mains ici. Donc il a demandé à. Parce qu'il y avait un, il y a presque quatre apôtres, parce qu'il y a cinq. Il y a lui-même l'apôtre, sa femme apôtre, et puis il y a un encore, ça s'appelle Jean, apôtre Jean, et puis il y a apôtre Abraham, il y a apôtre Maurice, il y a apôtre encore Ruth. Donc parmi les apôtres femmes, il y a deux. Et puis des garçons, Andréas. Là, il a convoqué Jean, parce que c'est Jean même qui était auprès de lui. Après lui, c'est Jean qui était là. Donc il a appelé Jean. Bon, voilà pour vous, vraiment. Yahoo a un problème pour vous. Il faut aller régler ça. Donc Jean est venu un samedi. On s'est réunis chez moi à la maison. Il dit, mais Yahoo, vraiment, tes questions, quel est ton problème? Il dit vraiment, il a examiné dans la parole. Il voit que les pratiques que nous faisons, ce n'est pas biblique. Vraiment. Il sait que, parce que vous êtes ancien, moi je viens de rentrer. Il sait que vous allez me faire écouter. Parce que, mais à moi-même, là, à moi, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ça, ce n'est pas biblique. Parce que, avant même, la langue que nous parlons, et là-bas même, des bébés de 1 an, 2 ans, on baptise tout le monde. On baptise tout le monde. Des vieux, des enfants, on baptise tout le monde. Et là-bas, les femmes baptisent. Et les femmes apportent tout ça là. Ils voient que c'est des choses qui ne sont pas scripturées dans la Bible. T'as vu? Donc vraiment, j'aimerais que tu m'expliques un peu vraiment, tout à terre à terre, pour que je puisse comprendre. Parce que je suis sincère avec Dieu. Donc quand il y a une chose qui ne sait pas tout ça, il est avec vous et puis, mais ce que vous pratiquez, il sent qu'il n'est pas dedans, dans la parole, c'est pas bon. Donc vraiment, si on voit que c'est pas ça, il peut vraiment même de quitter dans la mission, de chercher vraiment à ceux qui pratiquent la parole. Donc vraiment, c'est juste à chacun prince. Il dit, frère Junior, il me pose, à cause de la tasse, parce qu'il me dit que Yahouf, tout ce que tu me dis là, c'est vrai. Mais moi, Jean, il te dit de pratiquer. Donc, il te dit que ce que tu dis là, qui ne sont pas scripturés, c'est vrai, mais il faut pratiquer, continuer à pratiquer. Il te dit que tu pratiques quoi? Voilà. Pratique seulement. Que lui, quand il va en esprit, qu'il y a un livre, le livre qui est là-bas, lui, quand il monte, il voit, il y a l'enseignement qu'ils vont apprendre dans ce livre-là. Que lui, ce qu'il fait dans ce livre-là, il ne sait pas comment il va comprendre. Comme ici encore, nouveau, seulement de pratiquer avec le temps, je vais comprendre. Que lui, quand il va en esprit devant le Dieu d'Abraham, il voit, il apprend le livre, il prend l'enseignement dedans, que vraiment, il sait pourquoi il me dit de pratiquer, que non, de laisser tomber tout ce qu'il me demande de le faire, de me mettre à l'œuvre. Donc, il a décidé vraiment. Moi, il voulait une base, parce que la parole qui est là, vous parlez du Saint-Esprit, la Bible qui est devant nous ici, a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, si vraiment tu me montres, et tu me montres comme le Saint-Esprit, tout ce que tu demandes ici, vraiment, si c'est plus comme tu le dis, je vais faire mais on me dit que tu as là un esprit, puis on me dit que non, c'est un pour maman, il n'est pas là avec nous. Non, non, non. Moi, je voudrais qu'il applique les choses selon comme c'est écrit. Donc, c'était devenu une discussion entre nous, ils sont levés, mais ils ont de pratiquer. Mais quand il a dit ça, il n'a rien dit, je continue à prier. Mais ce que le problème, frère Gino, de là, j'avais l'amour de la parole. Donc, ce qui me fatiguait, je me disais, mais attends, je sais que dans les temps faits de mes dons, si je m'en vais là-bas, ils vont me dire de payer la dîme, et les pratiques sont là-bas, moi, je suis quitté là-bas. Si je quitte les cieux, là, parce que de là-bas, où on était, il n'y a pas à faire de dîme, il n'y a pas d'offrande. Donc, on est libre, vraiment, on est libre là-bas. Chacun de nous cherche à être apôtre. Si tu travailles bien, tu peux monter en grâce. C'est comme ça, on peut monter de superviseur, tu peux être superviseur généraux. Après, de là, maintenant, tu peux être maintenant apôtre. Donc, on peut monter jusqu'à apôtre, depuis docteur. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui nous a fait nous chercher là-bas. Donc, si je quitte là-bas, là, je vais aller où? Mais de là, l'amour de la parole. Il dit, j'avais l'amour de prêcher la vue. J'avais l'amour d'aller vers les gens, de les parler de Jésus. Donc, il me disait, mais si je quitte là-bas, là-haut, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, à chaque fois, quand je vais quitter, c'est ce que ça qui vient dans ma tête. Donc, il écoutait l'enseignement et puis il me dit, l'enseignement que tu as fait, tu as dit comme ça que non. Il sait que les ceux qui vivent la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu, cela. Ils ne sont pas beaucoup maintenant. Si vous êtes vraiment sincère dans le cœur, mettez-vous dans votre maison et demandez à Dieu avec cœur, avec sincère. Il va vous amener où ces enfants qui pratiquent sa parole. Après, sinon, même j'ai le matin entendu ça, j'ai écouté en même temps. J'ai dit voilà, ce que le frère me dit là, cette parole c'est pour moi. Donc de là, je suis allé à la maison en plein journée, je suis allé dans la maison. Mais il y a une chose, frère Junior, de là-bas, l'esprit m'a permis de savoir comment demander les choses avec la foi. Là, j'ai eu ça là-bas. De là-bas, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment scripturaires, mais ce que j'ai eu là-bas, quand je veux te demander une chose, je vais. Ouais, quand tu es venu en Côte d'Ivoire, tu parlais comme ça que tu as demandé à mes frères d'attraper la bouche. Je dis, quand tu as dit d'attraper la bouche là, avant que tu expliques ce que ça veut dire, à moi, je savais déjà ce que ça veut dire. Parce que je peux laisser la bouche ouverte et puis parler, et puis faire palabre avec quelqu'un dans mon cœur. Là, il savait ce que ça veut dire. Donc quand tu as dit ça, je suis assis là, j'ai rien, dis non. Celui-là ne comprend pas ce que je fais, parce que je comprenais automatiquement. Donc, quand tu as dit ça net, tu n'as même pas répété. Je suis des fois les questions. À moi-même, par l'esprit, je suis ça. Donc là-bas, pour demander une chose à Dieu, j'ai appris comment demander avec l'esprit. Donc, quand j'ai entendu cette parole-là, j'ai allé me mettre un genou. Et j'ai prié. Seigneur, si vraiment ma prière est vraiment ta volonté, indique-moi vers tes enfants qui vivent que pour toi, sur la terre ici. Frère, je n'ai rien resté en prière. Dans la même semaine, le frère en question qui m'a donné des enseignements, il est venu vers moi. Il me dit, Yao, vraiment, je vais te dire quelque chose de là même, mais vraiment, il ne sait pas. Mais il va te dire quand même. Il y a le frère en question qui a écrit des enseignements là. Il y a des frères qui sont à Yopougon. Et ils se réunissent le dimanche. Ils mettent l'enseignement des frères là, et puis ils sont là, et puis ils écoutent. Et puis, il y a un qui est là où ça fait faire le vie. À travers les enseignements, il est dans certaines personnes là-bas. Que vraiment, il a Yopougon dans tel endroit. Mais c'était un samedi, hein, frère, je le même samedi mardi, le dimanche matin, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Quand c'est arrivé, j'ai appelé le frère Olivier, qui est venu me chercher au dehors. En marchant sur la route, il m'a dit que non, on causait. Il m'a dit, frère Yahou, est-ce que tu sais que le frère Gino met sa femme en Côte d'Ivoire ici? Frère Gino, j'ai vraiment aimé ce jour-là. Celui-là, c'était mon paradis. Non, j'ai dit, avant, vu que j'ai pris la femme en Côte d'Ivoire ici, comment ça se passe? Je me suis dit qu'il attend de rigoler. Mais moi, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, tout ce qu'on disait, moi, j'ai regardé dans la salle. Mais comme tout le monde, je voyais qu'il ne reconnaissait pas aussi là-bas. Il ne sait pas qui est étranger, qui n'est pas étranger. Donc, il faisait le visage de tout le monde là-bas. étaient là jusqu'à et puis après maintenant ils ont fini dernièrement maintenant la soeur et puis il y avait une soeur encore la femme de la soeur, le frère Trabi. On dit vraiment les frères, on vous annonce le frère Junior de Cameroun, sa femme Grace Chanda, elle est venue l'université. Quand j'ai levé frère Junior, vraiment l'argent qu'il y avait dans mon caisse, il dit c'est moi qui suis là, Jésus, même quand il me dit. Parce que c'était comme j'ai vu une ange devant moi. Parce que quand il écoutait ses enseignements, pas pour te glorifier, frère Junior, pas pour te glorifier, mais quand il t'écoutait, j'entendais toute notre voix. Parce que quand il écoutait, j'ai tombé, quand il fait mes yeux, tout ce que tu me disais, c'est devant, il dit Jésus-Christ, c'est tout seul. Quand je me couche, ce que tu dis là, je dis, l'esprit vient encore m'expliquer comme si tu es avec moi, on est en train d'échanger. Ça, il dit, ça l'explique automatiquement. Et quand je me lève, je dis, oui, la seule chose que je suis là comme ça, ça vient dans ma tête. Mais moi, c'est un passage, je ouvre la Bible, je regarde, c'est effectivement ce que je vois. Donc, c'est pas là qu'on a pris la confiance. Donc, quand la soeur s'est levée, à moi, j'ai dit, ma bouche était fermée, mais j'ai rien, j'étais en joie. Donc, mes larmes coulaient à moi, mais il dit, non, c'est que vraiment. C'est vraiment ma prière que j'ai demandé à Dieu. Dieu vraiment. Il était là, il ne sait pas ce qu'il m'a investi. Il a fait un palais comme ça, mais à moi, je sentais vraiment la joie. Donc après cela, quand ma soeur, elle est sortie, elle ne me connaissait pas avant, mais j'avais le regard sur elle. Elle ne parle pas avec moi, mais en étant là, je causais avec elle. Je causais avec elle, mais on ne parle pas. Mais quand il est derrière comme ça, il sent, elle est devant moi en train de parler. C'est ce que je vois. J'étais pressé même pour qu'elle m'adresse la parole. Et après, maintenant, il me s'est approché. Il a dit, c'est vraiment la femme de frère Junior. Elle a dit, oui. Donc, elle a dit cela. J'ai gardé le silence. Elle me regardait, elle l'a regardé comme ça. En elle, elle a senti que ce monsieur-là, il a senti quelque chose à travers la parole, la grâce que Dieu a donnée à mon mari. Donc, elle a dit, mon frère, ah, pardon, après, on va se voir. Et qu'elle a dit ça, ça m'énerve. Parce que je me dis qu'elle reste là même. Que j'exprime vraiment ce que je sens pour l'amour de la parole. Elle m'a dit, mon frère, excuse-moi. Non, l'autre l'a fait d'ici, l'autre a fait d'ici, mais vraiment, non, elle a fini. Je voulais prendre mon taxi pour venir à Bobo. Elle a dit, non, toi là, viens, mon frère, viens. Fais-moi, on va prendre la même voiture. Il y avait un frère qui était là, elle nous a pris dans sa voiture, dans le compteur. Elle était dans le compteur, et elle a animé le téléphone. Elle m'a dit, elle était venue, attends, madame, excuse-moi, il peut avoir les photos de frère Junior. Elle a dit oui. Non, elle m'a donné son téléphone même. Je m'en éclaire. Je vous regarde ton photo. Je dis, ah, c'est lui qui est là. Lui qui parle, c'est lui qui est là. Il dit oui. Je regardais, c'est un peu. Je dis, mais attends. La voix que j'entendais, c'est la personne qui est là. De là, donc, de là maintenant, on a pas échangé. Donc, on est arrivé à Djamé. Il dit, non, vraiment, je vais descendre à Djamé ici. Donc, ils ont gardé la voiture. Elle m'a donné son numéro. Vraiment, je ne lui ai rien dit. Mais la manière dont je lui ai regardé, en elle même, elle a senti que. Il y a une chose qui s'est passée. Bah, on s'est regardé seulement. On n'a même pas été, on n'a pas changé beaucoup. Donc, de là, le frère Junior, même je suis allé à la maison, ma femme mettait, bah, elle là-bas, elle portait même des pantalons. Moi-même, je n'aimais pas qu'elle portait même. Il dit, non, t'es pas là, il faut mettre ça de côté, tu es encore jeune, faut que tu mettes les habits un peu, les récipients un peu jeunes. T'es pas là, faut mettre ça là-bas parce que tu vas couler, pas là. Faut payer les robes. Moi-même, je m'avais fait à j'ai acheté des choses à ma femme, des mèches, des choses. Mais il dit, même jusqu'à ce que j'arrive à la maison, il dit, chérie. C'est moi qui achète nous les habits, les prêts du corps. J'aimerais que tu le mettes à forme en valeur. Mais vraiment, on lui dit, je suis désolé, c'est que ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que les mèches qui sont dans la maison ici, les tissages là, les perruques qui sont accrochées ici, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir ça. J'aimerais que tout, une troupe. Mais le frère, je ne sais même plus la logique, j'invite à faire. Parce que ce que tu disais, quand j'ai vu la soeur, ça m'a confirmé. Il y a eu la confirmation. Je suis arrivé à la maison. Il dit, chérie, à neuf. Elle dit, non, mais comment ça? Toi, chaque fois que tu sors de l'eau, tu viens, tu as toujours le niveau que tu as envoyé. Il dit, mais je dis, là, c'est pour le bon. C'est pour le bon. Mais j'aimerais que tes pantalons, les trucs, là, les mèches, t'as tout sort. Donc, j'ai parlé, elle veut, c'est ça, il nous coûte ça, parce que, non, je me suis levé moi-même. J'ai commencé à arranger ça. Il dit, mais à quoi? Elle veut nous dire avec moi, j'ai pris tout. J'ai mis dans la poubelle. Il dit, ça, à moyen, c'est sorti, là, ça rentre plus ici. C'est moi-même, mon agent, il a fait pour acheter. C'est un commandement. Elle dit, non, mais c'est pas comme ça. La Bible dit, c'est pas, on fait pas avec la violence. Oui, c'est vrai. Mais ce que je dis, pas avec la violence, c'est parce que j'ai t'aime qui fait ainsi. Au dehors, les enfants de Satan peuvent tomber dans le système. Après, je lui dis, je ne verrai plus que ma femme peut combattre quelqu'un. Il dit, elle était fâchée contre moi. T'es fâchée. Il dit, Dieu va te faire attention un jour et tu vas comprendre un jour. Il dit, frère, non. C'était devenu un problème. C'était devenu la guerre pour moi et ma femme. Mais dans ça, ma femme m'insultait. Lui, le jour, elle m'insultait. Elle faisait tout. Mais quand elle m'insultait, frère Gino, il ne sait pas qu'est-ce que. Il sait, lui, a vu ta femme, l'amour, la joie qu'il avait reçu ces jours-là. Elle m'insultait, faisait tout. Mais ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien. le président, et même un jour, elle a dormi la nuit. Et elle dit dans ses songes, c'est comme si c'était une fille fait parler avec des mèches, mais il était vraiment violent. La manière s'est passée sur le plan physique, elle m'a vu ça. Oh, en étant de l'autre côté là-bas, frère Junior, elle-même essaie et moi j'essaie. Notre songe là, si elle a fait un songe, et si elle fait un songe, ça ne se trompe pas. Quand il dit, madame, il y a vite des choses, il ne discute pas avec ça. Elle sait que ça, c'est la vérité. Tu as vu? Donc, même si elle a dit ça, elle a eu peur. Elle dit, vraiment, chérie, et je demande pardon, vraiment. Là, même si tu es arrivé, c'est qu'il a fait, demande pardon. Le moment où il a vu ça, au lieu que vraiment, c'est pas bon. Et elle a levé. Et quelques jours après, quelques mois après, dans mes songes, elle a levé les boucles d'oreilles et tout. Frère, je dans mes songes encore. Une fois, ma femme a pété, elle a pété une boucle d'oreille, c'est brillant comme ça, petit dans ses oreilles. Ça brille comme ça dans ses oreilles. Quand j'ai vu ça, il dit, ma femme a acheté des poudres d'oreilles. Pourquoi j'ai fait ça encore? Je vois qu'elle a des poudres dans ses oreilles. Je n'ai rien dit matin, je suis levé les dans les yeux comme ça, il est sorti, ça le travail. Quand ça arrivait à la maison le soir, quand j'ai vu mon pied devant la porte, elle a ouvert la porte, dit, chérie, hier, il était vu avec le poudre d'oreille. C'est petit, petit comme ça, bien, bien brillant. Est-ce que tu as encore des poudres d'oreilles encore dans la maison? Elle dit, va te laver. Tu as aimé la vie. Frère Junior, ce que j'ai vu dans mes songes là, elle a fait sortir, elle a acheté, elle dit non, elle veut porter. Mais quand elle est arrivée, dans son cœur, c'est pas, elle avait une peur, elle n'arrive pas. Il dit ce que j'ai vu dans mes songes là, automatiquement, quand elle a envoyé ces mêmes boucles là, elle a mis dans mes mains. Elle dit, t'as vu, ça là, tu n'as pas mis sur toi, mais ça veut dire que ton âme a porté. La manière que tu avais envie encore de porter, tu n'as pas mis ça sur toi physiquement, mais tu as porté devant Jésus-Christ. Voilà. Automatiquement, même je l'ai. Elle a mis dans la poubelle, elle dit à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus cela. C'est là qu'elle a commencé à comprendre un peu. Mais quelques temps après, encore, frère, je vois ce qu'il était. Dans mes songes, on a fini de prier, on a laissé coucher. Dans mes songes, en ce moment, le frère, il nous a déjà baptisé, le frère Yangoura, il nous a déjà baptisé. Quand on a reçu le baptême de là-bas, dans mes songes, il voit ma femme, c'est comme si on voulait aller au lit pour aller se coucher. Et puis, je prie avec elle, frère, je viens, coup, boum, ma femme a tombé, elle est tombée, elle a commencé à crier. Il me voyait des démons écrire, sors de son corps, je ne peux pas s'assurer des démons. Dans mes songes, là, hein. Quand je me suis levé le matin, je suis assis au chevet sur le bord de lit. Il dit à ma, elle s'est levée, elle dit, en quoi? Il dit, non, non. Et elle m'a fait comme ça, frère, je commence à avoir peur de ma femme. Parce que ce que j'ai vu là, je sais que ma femme a habité par un esprit. Il dit, attends, chérie, est-ce que ce que elle sait que tu as un démon en toi? C'est comme ça qu'il vient parler. Hein. Il dit, chérie, elle sait que tu as un démon. Donc tu lui dis ça le matin comme elle ça, comme, ça dit, comme le bonjour. Tu lui dis que, est-ce que tu sais qu'il y a un démon en toi? Voilà, c'est comme ça qu'elle parlait. C'est comme ça qu'elle dit, oh, elle n'est pas à côté de moi aussi. Là, elle a fait le truc, elle n'est pas là, elle est sortie. Donc, tu vois, quand elle dit ça, elle dit en bas, elle dit, mais chérie, j'ai vu un démon hier. J'ai vu un démon hier, en prière, qui est tombé. Donc, comme il savait que mes sons, là, quand il voit, donc, à moi, il a commencé à me méfier de ma femme. Soit même, la nuit même, au lit, especially, elle m'a fait, non. Quand il a ma femme, il voit ma femme, elle est une autre personne. Quelques temps après, deux semaines après, mon frère Junior, il a fait le même songe. En priant encore, elle est tombée encore, boum, dans mes songes là. Je pense à chasser les démons encore deux fois. Il dit, ah! Il dit, oui, chérie, ça devient grave, hein. Il ne sait pas vraiment, il est en toi. Il sait qu'ils vont le chasser, mais c'est pas qui. Il ne sait pas si tu vas le chasser. Il y a un esprit en toi. Et il a vu ça deux fois. Frère Gino, quand il a dit ça, dans la même semaine, c'est là qu'il a reçu le message avec le frère Nyamoura Olivier, que le frère Gino vient en Côte d'Ivoire. Quand il a dit ça, qu'est-ce que j'ai senti à moi? Même il a dit ça. Il dit, ah, c'est que je vais avoir ma femme. Parce qu'il sait que, avant que le frère la quitte ici, pendant l'enseignement, je vois qu'il a fait faire la délivrance. Mais moi, quand il a même ce que je vois autour de moi, il ne sait pas qui allait confier ma femme. Pourquoi on lui encore, habite pas encore un autre démon. Donc, il n'a rien dit, il a laissé. Donc, quand tu es venu, premier jour, quand il a parlé, il a dit non. Que non, j'aimerais qu'on commence par des femmes. Il dit, moi, j'ai compris tout automatiquement. Pendant que les gens disaient non, non, les personnes sont venues disaient non, non, j'ai compris à moi que le frère là. Parce que quand tu es venu, frère, je vais te dire une chose. Quand tu es venu, moi, j'étais là pour te tenter. Quand tu vois, m'asseoir. Parce que, en fait, quand c'était maintenant pas ce niveau que j'avais avant. Parce que de là-bas, quand j'étais assis là, moi, quand tu prêchais, c'est toi qui visais. Et c'est vrai que tu as remarqué, quand tu es venu, je n'ai pas posé question. Mais moi, j'étais là, à moi, je faisais un travail en bas. Je faisais un travail en bas pour découvrir vraiment qui est devant moi. Mais à chaque fois, quand il m'en vient, je cherche l'occasion, comment faire, je fais, ça marche pas. Je fais, ça marche pas. Donc quand je fais, l'esprit qui était avec moi de l'autre côté là-bas, ça monte un peu, mais ça n'arrive même pas à aller jusqu'au niveau de mes genoux. Et je me relaxe. T'as vu? Donc, je fais jusqu'à après, non, c'est bon. Donc je me relaxe maintenant, je suis dans la chair maintenant, je t'écoute. Mais quand on a commencé à aller, on a gêné, quand on est arrivé, même je l'ai arrivé, bon d'accord. Quand je suis arrivé, frère Junior, moi, quand je suis assis dans l'assemblée, c'est les âmes de mes frères et soeurs que je voyais devant moi. Je ne sais pas comment quelqu'un peut comprendre ça. C'est les âmes, je voyais les âmes devant moi comme ça. Je savais à moi qu'en tous les coups, ces jours-là, quelque chose va se passer. Parce que je voyais des âmes, des gens qui sont devant, physiquement comme ça devant. Je voyais, ça vient, je vois, ça vient. Moi, ça vient comme ça. En fait, frère, non, pour que les autres puissent comprendre, ça, en fait, ça c'est rapide. Je ne sais pas comment est-ce que ça vient, coup. C'est d'abord, c'est pas pensé, mais quand tu te souviens, coup, tu sais que c'est pas pensé. Tu as vu? Donc, ces jours-là, en étant là, je voyais d'abord même ma femme. Mais quand tu as dit commander à tout l'esprit et puis tous les démons qui sont en vous, frère, justement, il était là. Moi, mais ce que je faisais là, c'est pas ce que tu as dit. En fait, j'invoquais toujours le sang. Quand j'étais parce que là-bas, pour que l'esprit puisse se manifester, on invoquait le sang. Oui. Et c'est ce que je faisais. En faisant, je composais à ma femme. Frère Gino, dès que j'ai arrêté ça net à moi, avant que ma femme tombe là, hein, j'ai senti d'abord, ça m'a fait d'abord coup d'abord. Et si je n'ai pas arrêté, c'est moi-même qui tombais. Attends, frère Yao, attends, on écoute très bien. Donc, quand on était en Côte d'Ivoire, quand on était dans la salle, le jour qu'on priait pour la délivrance, là, quand j'ai commencé à parler, dans ton cœur, tu priais autrement. Oui. Mais tu as senti que ça montait aussi en toi et ta femme aussi. Avant que ta femme ne tombe, elle commençait à crier. Voilà. Toi-même, si tu as arrêté de prier de cette façon-là, raconte-nous en détail, donne les détails, raconte tout. Voilà. Pour qu'elle puisse tomber, moi, il disait comme ça que vraiment, père, moi, je veux savoir si vraiment ton esprit est vraiment ici. Donc, je recommandais certaines choses. Je parlais en moi et j'ai invoqué des saints. Donc, quand l'esprit a commencé à monter, parce qu'il n'a pas fait ce qui m'étonne, c'est qu'il me disait là-bas que c'était le Saint-Esprit. T'as vu, non? Donc, quand il faisait ça, c'est ce qui bloquait ma femme. T'as vu, non? C'est ce qui bloquait ma femme. Mais quand il a commencé, jusqu'à après, un coup comme ça, je suis devenu léger. C'est comme si mes pieds même ne touchent plus le sol. Ça touche plus le sol. Mais il s'était manqué. Il s'est en train de tomber. Donc, quand il a arrêté, ça net. Donc, quand il a arrêté, ça net. Ma femme a crié, waouh, boum, je viens de tomber. T'as vu? Quand elle est tombée, je dis, ah, c'est que vraiment, il n'y a plus de léger ici. Donc, je dis, c'est la fin à ces choses-là. Oui. Donc, je commence à regarder. Regardez comment ma femme te disait. Quand elle a posé la question, elle dit, pour qu'elle puisse tomber, elle a dit, Jésus, il est venu boire ton sang. Elle a évoqué le sang. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Elle a évoqué le sang. Et c'était ce qu'elle faisait là, je faisais la même chose. Je faisais la même chose. C'est ce qu'elle faisait en elle, c'est ce que je faisais. C'est ce qu'elle faisait. Mais moi, ça m'a pris ici. Quand ça m'a pris, je me suis relaxé. Et là, elle a pris le coup et elle est tombée. Oui. Elle est tombée. Et quand elle est tombée par là, tout ce que j'ai passé là, frère Gino, quand elle a tête traînée là, tout ce que tu disais là, ce sont des choses que j'ai vues dans mes songes, qu'elle tombait. La manière elle a crié, la manière elle est tombée, c'est la chose que quand j'ai fait son Dieu, la manière je l'ai vu, tel que je l'ai vu, c'est effectivement. Le jour qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. En fait, il a vécu ça devant moi. Ce que j'ai vu sur le plan spirituel, c'est passé devant mes yeux. Quand elle est tombée, tous ses gestes, tout ce qu'elle faisait, il a vu ça. Quand on est arrivé à la maison, il a dit, chérie, elle dit, non, laisse-moi. Faut me laisser. Parce que ce que j'ai expliqué, ce que j'ai expliqué, c'est passé devant elle, elle dit, laisse-moi. Elle dit, laisse-moi. Elle dit, vraiment, tu es arrivé. Aujourd'hui, là, c'est ma femme. Elle dit, pourquoi elle dit, mais c'est ma femme parce que, à partir de là, il y a toutes ces choses, parce que depuis ce jour, j'ai vu ces choses-là. Je me méfie avec toi. Il sait que quand il me colle à toi, il sent qu'il y a une aide qui est là encore avec toi. Donc vraiment, c'est depuis ce jour-là, il aimait ma femme, je l'aimais encore de plus. Amen. Je l'aimais encore de plus. Amen. Je l'ai pris vraiment. Vraiment. Frère Gino, vraiment. Je vais m'arrêter là. Vraiment, il y a plein de choses, mais plein de sons. Ensuite, avec le temps, tu vas attendre des nouvelles de la Côte d'Ivoire. Oui. J'aimerais que le frère Olivier Angoran te pose des questions concernant ces domaines-là. Frère Olivier Angoran, pose-lui les questions. Oh, en fait, on a écouté le témoignage du frère. Ben, je voulais savoir bon, quelle explication spirituelle on peut donner par rapport à ce témoignage. À moi la question? Oui, tout à fait, frère. D'accord. Ce que je voulais, c'est que je voulais dire par là, il a commencé, premier jour, le son qui est fait premièrement, quand il a écouté à ce moment de frère Junior, moi, ma délivrance a été faite. c'est Jésus qui m'a délivré. Parce que de là-bas, on prenait la cesse parce qu'on a deux sorties. Quand on était là-bas, on a deux sorties. On a le 24 et puis la veille de la Pâque. Tu as vu? Donc, nous, on sortait parce que la cesse, celle que nous prenons là-bas. Quand on priait comme ça, la prophétie descend de là-bas. Que le Saint-Esprit dit cette année, quand on l'a à Yamsoukro, soit on l'a à Boaké, c'est là-bas qu'on va aller prendre la cesse. C'est comme ça, ça s'en dirigeait. Donc, ça veut dire, quand on prie comme ça, l'Esprit prend quelqu'un parmi nous, par trans comme ça, il dit bon, encore cette année, on verrait qu'on aille à Yamsoukro pour aller prendre la Sainte-Seine. Et c'est comme ça qu'on faisait là-bas. Tu as vu? Donc, quand j'ai écouté le frère Gino, son enseignement, j'ai commencé à demander ces choses-là. Le premier son qu'il a fait, où il y a eu cette force, où il a commencé à dénoncer ces choses-là, il dit, la manière, les choses que j'ai vomi, c'est comme si ce sont des poisons, des choses que j'avais mangées, ce sont des poisons que j'avais mangées. Vraiment, ce que j'ai vu, même, à chaque fois, quand il parle de ça même là, ça me crée encore des problèmes pour manger même là. C'est moi aussi j'ai vu ce que j'ai vu. Et t'as vu, donc, à travers ces enseignements, j'ai reçu une délivrance que la main d'une personne ne m'a pas touché. Mais quand j'ai fini ça, quand je me suis réveillé net, j'ai senti à moi qu'il y a une chose qui vient de se passer. C'est pas un homme, c'est Dieu même qui m'a délivré parce que là-bas, j'ai mangé, c'était les poisons que j'ai pris là-bas. Amen. J'ai pris certains poisons là-bas parce que le baptême qu'on a fait là-bas, on dit, il va vous faire savoir une chose encore. Regarde comment on baptise là-bas. Avant de baptiser une personne, on se met devant, la personne rentre dans l'eau d'abord, et il soulève ses deux mains, et il prie la langue pendant au moins 30 minutes d'abord. Et puis là maintenant, nous qui avons déjà reçu, les ceux qui ont pas dit qui sont déjà sur au bord de l'eau, on les fait rentrer. Et quand tu rentres, on te pose la question. On te pose la question, et la question va te poser, tu réponds par oui ou soit par non. C'est comme ça, c'est une alliance d'abord, la mission d'abord on appelle la mission Nouvelle Alliance, c'est le nom de la mission qui est la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. C'est tout qui est là. Donc, quand tu rentres, maintenant, tu poses la question. Il prie alors pendant un moment, et puis il soulève sa main droite à gauche. Non, sa main gauche d'abord. Non, sa main droite. Il te pose la question. Il te pose la question, et voilà, il dit comme ça que. Et voilà, il dit devant le Dieu d'Abraham, de Zacharie, de Jacob, le créateur de nos âmes, devant Jésus-Christ, devant les saints anges, devant le Saint-Esprit. Tu vois cela. Et puis il te pose la question maintenant. Avec le Satan, avec le démon, tu dis oui. Tu veux manger la chair de Jésus-Christ en esprit, tu dis oui. Tu veux boire le sang de Jésus-Christ en esprit, tu dis oui. Quand tu peux me répondre, c'est là, tu dis maintenant, sur la base de la déclaration de ton âme, je te baptise au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans les conditions mort au péché et ressuscite en Christ. Tu vois cela? C'est comment ça se fait? Donc, il y a une nourriture peut-être qu'on mange là-bas. Où me suivez? Il y a une nourriture qu'on nous donne d'abord là-bas. On nous dit d'abord, si tu veux manger la chair de Jésus en esprit, et boire le sang de Jésus en esprit. Et quand on a comme ça, souvent même les gens qui font les visions, on dit quand on est baptisé, comme ça, c'est que les visions là, tout le monde a des visions sans comme ça. Tout le monde là. Il est baptisé plusieurs âmes là-bas. Il a envoyé plein là-bas. Donc quand ceux qui ont les visions, quand ils font ta conduite, quand ils les mettent dans l'eau comme ça, quand ils sortent, ils disent tout le monde a des visions du sang. C'est sang, ils vont au tout. Et tu vois, non, souvent, quand on dit, bon, d'accord, il faut boire, il fait comme il va boire, il tombe dans l'eau, et puis il boit jusqu'à après maintenant, et puis on est baptisé, tu vois. Donc, il y avait certains poisons là-bas qu'il a bu, il a mangé. Donc, quand il a reçu l'enseignement du frère Gignon d'abord, ma délivrance a été faite sur le plan spirituel. Il sentait à moi qu'il y a ceux qui l'ont quitté à moi. Parce que depuis ce jour, il a fait ce songe que ces trucs sont sortis. C'est là qu'il y a eu la force pour aller les dire. Parce que ce n'est pas facile, toi-même qui étais devant les gens, qui enseignes les gens, que fais un super, c'est un coup qui arrive devant tout le monde. Il va l'assembler, tu dis que non, ce qu'il a dit, c'est pas ça, je suis pas d'accord à ça. Au moment où il a enseigné, il était vraiment, j'ai fait presque 2 ans dedans. Il était un ancien. Donc, ce qu'il a dit, c'est que ce qu'il a reçu, moi, je voulais essayer voir si vraiment, je suis vraiment délivré. Donc, quand le frère Junior est venu, j'ai fait cette incarnation à moi-même pour voir vraiment, parce qu'il cherchait vraiment la vérité. Il cherchait vraiment, parce qu'il faisait avec un cœur. Donc, moi, mon souci est que ce qu'on donne les faits, que ça soit bon. Donc, quand le frère est venu, moi, tout mon but, quand il était devant moi, c'est pour tenter vraiment l'esprit qui est en lui pour voir si c'est vraiment l'esprit de Dieu. Et déjà, quand ma femme, elle a reçu la délivrance, elle, quand elle était assise là, elle voyait vraiment un homme vraiment pas possible, une autorité qui était, qui nous couvrait tous. Il était bien en plein, vraiment, c'est un homme, on ne peut pas même le voir dans ses visages, autour même de lui, c'est la lumière qu'on voyait. Mais vraiment, c'est un homme vraiment, il voyait au niveau des pieds jusqu'à. Monter un peu, mais puis tout le reste, on ne voit plus. Oui. Mais cet homme-là, même le Jésus, c'est lui qui commandait le Jésus, il commandait tout le monde. Oui. Vraiment, quand il a dit ça, vraiment, il a reçu, il a senti parce qu'il a vu que vraiment, le frère là, il avait Dieu, qu'il est vraiment avec lui. Donc moi, tout ce qu'il faisait, ce que je voulais vous dire, il faisait pour savoir la vérité. J'ai tenté pour voir vraiment si vraiment il est de Dieu. Et tout ce qu'il disait, si c'est vraiment c'est Dieu qui lui pousse à faire ces choses-là. Et j'ai reçu comment on appelle ça, la confirmation. Quand depuis que Jésus est parti, il me le dit, quand j'ai fait mes yeux comme ça, ces choses-là, mes frères, je laisse cela parce que c'est à moi seul, je vis ça pour le moment. C'est à moi seul, je vis ça pour le moment. Et ma prière que vraiment, que la volonté de Dieu vraiment soit faite. Et je sais que, parce que ces choses-là, ce que j'ai vu, il dit, mais son, ça ne se trompe pas. Ça ne se trompe pas. Quand il voit ces choses-là, il sait que ça va monter, descendre. Quand le jour va arriver, ça va sonner. Ça va sonner avec autorité, avec la puissance que je vois. Donc vraiment, j'ai l'assurance aujourd'hui. Il peut taper la patronne pour dire chrétien. Il peut dire chrétien sans avoir peur. Parce que, en témoignant ce que je cherche, je ne veux pas d'abord chrétien. Je veux que je sois disciple. Parce que un disciple, c'est ce qu'il disait toujours à mes frères, vraiment, qui vient vers moi, qui me voit toujours ici. Un disciple, c'est celui qui vit la vie d'une personne qui n'est plus là. Et les ceux qui le connaissent, on le voit, on sait que lui-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, on a oublié la manière, quand il était là avant nous, qui le connaît, c'est comme ça, il vit. Donc, moi, je cherche être disciple, pas être chrétien. Parce que chrétien, chez moi, c'est simple, pas être simple chrétien. Donc, je veux vivre la vie de Dieu. Mais cela, très souvent, je vois quand je sais qu'il y a des épreuves qui m'attendent. Devant moi, je vois ces choses-là. Mais je sais que comme Jésus-Christ sait toutes choses, il est avec nous, il ne va jamais nous donner quelque chose qu'il ne peut pas tenir. Donc, c'est pourquoi ils avaient avec les soeurs, les frères qu'ils ont, quand c'est on sait quoi, ils disent toujours que non. Normalement, je vous ai donné de prendre toujours quoi. Parce que tout ce qui va nous arriver, Dieu au contrôle de tout, c'est sa volonté parfaite. Donc ne soyez pas troublés. Pour que nous puissions vraiment manifester sa puissance, il faut que lui-même. Hein, tout cela va être donné par lui. Si ce n'est pas fait, rien ne peut s'arriver. Non, vraiment, j'ai une assurance, quelque chose qui va m'arriver, j'ai une assurance parce que j'ai un gardien vraiment. Non, vraiment, frère, je avec mes frères qui se résument là, ici en Côte d'Ivoire, d'abord, prié et dit, j'ai une assurance, quelque chose qui va m'arriver, même si c'est la main qui va être coupée, si c'est le vrai main qui va être coupé, j'ai une assurance que toutes ces choses qui vont m'arriver maintenant là, ça sera la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère, je vais poser une question. Quand on était dans la salle ce jour-là et qu'on priait, je disais commander à toute puissance qui n'est pas de Dieu dans la salle de quitter. Est-ce que les chrétiens qui étaient dans la salle étaient au courant de cet être-là qui se tient au milieu de nous, en dehors de moi? Ta question à qui? À Frère Yao, c'est avec Yao que je parle toujours. Oui, il savait que parce que il y avait une femme qui était à côté de moi. Quand tu dis commander, la femme, elle parlait en langue. Elle a commencé à parler en langue, tu vois, elle a commencé à parler en langue. Oui. Mais la langue, elle parlait là. Moi, je cherchais à savoir, mais quand je regardais, elle parlait avec la chair. Elle dit avec la chair, c'est pas une langue, ça ne sort pas d'elle. C'est quelque chose qu'elle a entendu, donc elle répétait. Parce qu'il a fait des choses, elle était proche de moi. Il a fait des choses pour savoir si vraiment il y a un esprit qui est en dehors de là. Mais quand elle priait, quand elle faisait, il n'a rien senti. Il n'a rien senti autour de moi. Il a vu que tout ce qu'elle disait, c'est avec la chair. Donc quand il a vu ça, il n'a plus. Donc après cela, il était au service. Quand tu parlais, mais après, tu prêtes l'attention. Je suis un junior. Mais quand elle parlait, elle était la seule à parler langue parmi nous. Donc quand elle parlait cette langue-là, junior, il marche, mais il tenait l'attention. Il veut tirer quelque chose de cette langue. Mais il fait. Il sait qu'il ne voyait, il voyait rien. Non, après maintenant, il a grâce. Donc, calmez-vous. Il a dit maintenant, je ne vous ai pas dit de dire ainsi, je vous ai dit commander seulement. Quand il a dit ça, elle n'a plus répété ça. Et tu vois, donc, de là, tout ce que le frère Jodor disait, tout ce qu'il disait, en tout cas, je contrôlais tout. Je faisais toutes les actions, je regardais tous ces gestes, je regardais tout. J'ai vu que ces choses, ils sont pas. C'est pas un homme, c'est pas lui qui faisait. Donc, parce que je n'arrivais pas à attraper ce qu'il faisait. Ouais, tout ce que je faisais, je veux contrôler ça, mais je faisais tout, je n'arrive pas à saisir. Il a vu que ça me dépasse. Il a vu que vraiment le Dieu vrai est parmi nous, il était là. Là, vraiment, c'est ce que je suis en ces jours. Et qu'est-ce que ta femme t'a expliqué quand ça s'est arrivé sur le boom, quand cette tête-là s'est tenue là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme t'a expliqué sa délivrance, comment ça s'est passé? Voilà, elle dit avant qu'elle tombe, le ninja, ça paraît un coup devant elle. Le ninja est passé un coup. Le ninja qu'elle avait vu, qu'on avait reçu le baptême avec de l'autre côté, la nouvelle alliance là. Elle dit, le ninja là est passé un coup. C'était rapide. Quand le ninja là est passé net, ça n'a pas duré. Quand c'est passé, parce que quand il dit, quand le ninja est venu, c'est comme si le courant est rentré en elle en même temps. Tout son corps même tremblait un coup. Elle ne pouvait plus encore ses pieds. Et puis elle est tombée en même temps. Mais quand elle est tombée, au début, elle était à terre, criait. et criait, criait. Après, où le frère Olivier avec les autres frères qu'ils ont pris, et puis ils l'ont mis assis là. Et quand il était assis là, et là, il voyait la lumière, toute la cour, l'endroit était la lumière, mais il voyait vraiment une auto, un homme vraiment. Elle ne sait pas comment décrire cet homme. Si on était là, elle disait, je ne sais pas comment décrire ça, mais vraiment, si on demande, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, elle savait qu'il y avait un homme, il y avait un présent, il y avait vraiment un homme vraiment autorité, autorisé. Il était là, mais elle voyait vraiment, elle ne pouvait pas même tenir, elle était vraiment étouffée. Mais après cela, elle est devenue léger. Elle est devenue quand, après, elle a su qu'elle voyait, c'est comme une bête sautait dans ses pieds. Elle dit par exemple, quand les femmes enseignent, vont à l'hôpital souvent comme ça, on dit, l'enfant rentre dans le pied. T'as vu? Elle s'est imprimée comme ça. C'est comme un accouchement comme ça. C'est comme un enfant en train d'aller dans ses pieds. Donc après cela, maintenant, puis c'est sorti par le pied. Et quand c'est sorti net là, elle a retrouvé ses membres. Et puis elle s'est sentie vraiment léger. Elle a senti que vraiment, il y a une aide qui est en elle qui vient de sortir. Exactement. La puissance là, puisque lors de la délivrance, elle criait que mes pieds, le courant. C'est la puissance là qui sortait, voilà, par ses pieds. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'elle avait vu. Oui. Donc elle a vu sa membre. Elle était vraiment rassurée que Dieu est avec toi. C'est depuis ce jour vraiment. Avant, je t'écoutais bien. Tout ce que tu disais quand j'examine, tout est vraiment biblique. Et c'est vraiment clair. Il n'y a pas vraiment de discussion dessus. Et c'est pas quand j'entends la vérité à moi, je sens que c'est la vérité. Je sens que c'est la vérité à moi. Et puis je me réjouis. Frère Junior, je suis quelqu'un, mes lames là, étant petit, maman me disait que non. Comment est-ce que moi, on me frappe comme ça pour que mes lames là sortent. Mes lames ne sortent pas. Mais je te répète encore, pas pour te glorifier. Je suis en train de glorifier Jésus-Christ comme ça parce que ce que je me dis, c'est un témoignage pour Jésus-Christ. Moi, mes lames sont très, très, très, très loin. Mais quand tu es venu en Côte d'Ivoire après, tu n'entendais pas. Frère Junior, ça m'est arrivé presque 10 fois maintenant. En lisant la Bible comme ça, et puis un coup comme ça, en lisant la Bible, il dit tellement la joie, tellement tout. Quand je vois, mais moi, il y a aussi, j'étais vraiment un bandit. Moi, je me frappe comme ça, même que je pleure. Il dit, on ne me frappe pas mes lames. Il dit, je pleure une fois comme ça, il veut même me retenir. Je n'ai même pas me saisir. Je pleurais comme ça, fort comme ça. Il ne sait pas. Et en lisant seulement la Bible, vraiment, il ne sait pas. Il expliquait, il disait à vous comme ça, et puis ça, la joie, vraiment, tellement, il sentait la joie, quand même, là, hein, je n'avais même pas me saisir. Je pleurais, il criait comme si quelqu'un m'a frappé avec voix. Ça m'est arrivé deux fois. Mais là, ça, après, ça n'entendait pas sur la Côte d'Ivoire que cela m'arrive maintenant. Mais il capte jamais, t'avais que, quand il vient lire la Bible, peut-être, d'une certaine manière, il ne sait pas, quand souvent, il ouvre mon esprit, il veut lire la Bible. En tout cas, je ne sais pas si je veux faire à moi-même, je vais pleurer. Non? Moi, quand je lis, quand ça m'est venu, je coupe et puis je ferme la Bible, je ferme la Bible et en même temps, j'arrête. Parce que moi, quand il ouvre l'esprit, il veut lire avec l'esprit en moi seul. Quand il fait ça, il veut pleurer. Donc, quand ça vient, je ferme la Bible et puis j'arrête. Donc, vraiment, cela, cette joie, il disait à mes frères que quand Jésus disait, je vous laisse ma paix, frère Junior, cette paix-là, c'est pas quand tu as au moins une chose vraiment très précieuse, non. Je ne sais pas comment expliquer cette paix-là. Je disais à mes frères que vraiment, j'ai prié vraiment pour mes frères de santé de voisine. Pour que cette paix, parce que cette paix-là, quand il est en toi, tu ne sens plus mal. Ça veut dire quoi? On te fait du mal. Avec tout ce qu'on me fait, quel que soit, il ne sait pas comment expliquer ça. Plus même que ça avec moi, c'est moi, même les frères m'ont beaucoup ici. Quand il y a des choses, on m'envoie, c'est un problème. Quand il y a des choses, on dit non, ça oui, ce n'est pas un problème religieux. En fait, il veut expliquer toutes choses selon la parole. C'est pas quelque chose qu'on m'envoie. Donc, il dit non, ça, c'est pas fait de Dieu. T'as vu? Donc, à moi, je ne veux rien. Et dire à quelqu'un sans ça, il ne sait pas comment expliquer ça. Donc, cette paix-là en moi, je veux dire, si cette paix-là en vous, hein, vous devez savoir de quoi il est question. Vous pouvez vraiment aimer votre prochain, vous pouvez vraiment pardonner tout ce qu'on vous fait. Mais si cela n'est pas en vous, parce que je suis en train de vivre ça, même l'enseignement a dit que les réalités ne sont pas réelles pour certains. Pas comme si la parole n'est pas vraie. Mais pendant que cette réalité-là devient pour toi, ça passe de ce jour-là, tu veux dire que vraiment, cette parole-là est vraie pour toi. Tout est vrai. Mais il y a une réalité, il y a certaines réalités qui ne sont pas réelles pour certaines personnes. Oui. Donc vraiment, cette joie-là, frère Junior, je suis dans mon trou ici. Et une fois, quand j'ai parti, il dit non, je voyais certaines choses, je t'ai expliqué ça. Quand j'ai parti, une semaine après, je suis couché là, j'ai fait mes yeux mettre là et puis je me suis ouvert en même temps. Donc, c'est une chose que l'esprit me montrait, frère Junior. Quand il veut voir ça bien, il ne sait pas, il y a des choses qui m'empêchent. Non, il essaie de me dire, mais non, moi je veux voir ça, il essaie de me dire. Il m'a rien entendu. La personne me dit, il n'y a pas de quelqu'un, mais dans l'esprit, il me dit que non. Il ne faut pas te presser. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Et puis, mes yeux sont ouverts en même temps. Le frère, il a dit ça. Il dit, il ne faut pas que tu aies le frère, il a dit. avec ma grande soeur, là, il vient me traiter. Est-ce que j'ai un enfant? Il dit, mais attends, parce qu'il est vieux. Le récit me dit, quand il va grandir, quelle façon? Je dis, en vrai, il va commencer à arriver. Oui. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont réservées à mon niveau. Donc, il m'a dit de patienter. Et avec dans cette patience, ma frère Junior, il y a certaines choses que j'ai vues, ma vie que j'ai vue entièrement, moi seul, avec Dieu. C'est une vie que vraiment, il sait que quand un jour, Dieu va me dire, lève-toi au milieu de tes frères. Quand je vais parler, cette vie-là sera un témoin. Ce sera vraiment un enseignement. Il voit que tout ce qui m'arrive à témoin, quand il voit ces choses-là, en moi, il sent que ça, c'est un enseignement. Mais il sait qu'un jour, ça va faire sortir certaines personnes dans certains milieux de ténèbres. Donc vraiment, vraiment, frère Junior, la joie, il ne sait pas. Si moi, si je vais parler, vraiment, mes frères, les autres, c'est certaines choses à dire. Oui. Frère Junior, il y a beaucoup de choses. Oui, je crois que dimanche prochain, on va encore en partager parce que il y a un vrai problème en Côte d'Ivoire, comme j'avais dit, beaucoup de sorcellerie et cette pratique-là, c'est venu au milieu de l'Église. On utilise ces esprits-là au milieu de l'Église maintenant en convertissant, en utilisant le nom de Jésus. Beaucoup de pratiques traditionnelles sont trouvées dans l'Église, beaucoup de pasteurs fétichistes sont trouvés dans l'Église, y compris donc, et c'est dans l'un de ces endroits-là où tu étais. D'accord, mon frère. Oh, vraiment, frère, sinon. Et puis, voilà une chose à vous expliquer. Il me rappelle une chose encore. Quand tu es quitté en Côte d'Ivoire, tu es parti. Frère, sinon, deux semaines après, dans la même semaine-là, il y avait un pasteur, puis avant, il est parti. Avant que je m'enlève même chez les frères, là-bas, il est parti. Ça fait Bruno. Il était pasteur avant, et à demain, il est devenu prophète. Il a changé le nom, il est devenu prophète maintenant. Il n'est plus pasteur, il est devenu prophète maintenant. Donc un jour, quand il est parti, c'est comme si j'ai organisé, parce que c'est comme il a vu que le monsieur était faux, qu'il avait certaines choses, certaines pratiques dans sa main, dans cette songe-là. Hein. Donc, j'ai organisé une réunion, et puis il dit, ah vraiment, aujourd'hui là, il est allé voir le prédit, aujourd'hui tu vas voir. Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui est dans notre pays. Il y a un enfant de Dieu dans notre pays qui arrive. Donc, ce jour-là, lui aussi, il s'associe avec tous ses frères qui sont là-bas, dans mes songes-là. On est parti, qu'on est arrivé, moi, avec des frères, j'ai vu Olivier, j'ai vu, comment là, c'était un frère, beaucoup de frères de la Côte d'Ivoire, donc on a donné une place à quelque part, donc la salle est grande, dans son église, c'est comme dans son église, on était allé, il voyait bien le lieu, parce qu'il connaît bien le lieu, donc on est arrivé, t'es arrivé, il est sorti avec sa voiture, il est revenu, en fait, il était paniqué, le pasteur était paniqué, Qu'est-ce qui le faisait paniquer? Je n'entends plus la voix. Allô, le frère Yao, tu nous entends? Ou bien les esprits du pasteur ne veulent pas que tu parles? Allô, le frère Yao, est-ce que le frère Yao nous entend? Le frère Olivier, vous m'entendez? Oui, je t'entends parfaitement. Ah, le frère Yao, mon frère bien-aimé, il a des bons témoignages. Il a des témoignages. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, ça va bader. Avec vous également, ça va bader. Parce que Dieu est en train de préparer vraiment un choc là-bas pour les faux prophètes. Les faux prophètes vont sentir le châtiment là-bas. Amen. Mmh. Je crois que le Seigneur a voulu que ce soit le témoignage du frère Yao qu'on écoute aujourd'hui pour nous fortifier. Et que l'essentiel, c'est que chacun reste dans la parole et que chacun se connecte au Seigneur, à l'Esprit de Dieu de la bonne façon, pas de façon superficielle. Parce que nous voyons dans son cas, nous voyons effectivement que les gens ont invoqué ce qu'ils appellent le sang de Jésus en bordure des mains et ils font mettre les gens dans des alliances et les esprits entrent dans la vie des gens. Et vous avez été témoin, c'est vous qui avez arrêté sa femme. Lorsque nous prions là-bas en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Vous voyez effectivement que des choses se font au nom du Seigneur Jésus-Christ avec les puissances étrangères. Il est temps franchement que chacun de vous travaille en secret avec le Seigneur. Ça sera bénéfique pour sa propre vie spirituelle et pour la vie des autres personnes qui vivent dans les ténèbres. D'accord, mes frères? C'est compris, frère. Mmh. Amen. Mais frère Junior. Oui, parle-moi. Frère Junior. Oui. Bon, je ne sais pas, le jour qu'on fait la délivrance de la femme du frère Yaoujul, là, elle se débattait là, il fallait qu'on l'attrape là. C'était moi quand je l'ai attrapé, vraiment j'ai senti vraiment, c'est comme une décharge électrique. Oui. Bah, vraiment, ça m'a secoué même. Oui. En fait, je n'ai rien compris. Mais ça, c'est quoi ça? Quand je me posais des questions, bon, j'arrive pas à comprendre cette expérience-là. Voilà. En fait, déjà, je l'explique. Écoute très attentivement. Oui, oui. Maintenant, je vais te parler. Voilà l'une des raisons pour laquelle il fallait que vous soyez à jeûne. Si toi, tu n'étais pas à jeûne, si tu sais que cet esprit-là pouvait entrer dans ton corps, était possédé. Parce que c'était une grande puissance, une grande autorité, une vieille autorité qui se retrouvait en elle. Et cette autorité-là, ça devait la consacrer prophétesse au point où elle devait être une très, très grande prophétesse comme les grandes que vous voyez dans votre pays-là. Donc, comme tu étais à jeûne, le Seigneur a fait que tu ressens cette puissance. C'est cette puissance qui est sortie, cette vibration qui est sortie, ça t'a touché avant de partir. Maintenant, chef. Non, vraiment, je n'arrivais pas à comprendre. Je me posais des questions. Comme c'est vraiment, c'était comme déjà électrique. Ça m'a secoué un coup. Je n'ai rien compris. Ah, comment, mais. C'est en ce moment, le fait de sortir, tu comprends, c'est au moment où le démon sentait qu'il y a eu ce truc-là. Exactement. Et depuis aussi, comment est ta vie spirituelle depuis notre passage? Bon, par la grâce de Dieu, ça va. Question de peut-être de la vie de Machat, selon sa parole. Amen, amen. Le frère Eden, parle-nous. Comment ça va depuis? Oui, depuis, il y a des choses qui m'arrivent que moi-même, je ne sais pas comment m'expliquer. Au travail, on me demande, mais comment tu as fait pour arriver ici? Il pense seulement que ils ont qu'à mettre ça sur le compte du Seigneur. Parce que moi-même, je peux expliquer. Depuis des jours, j'essaie de m'asseoir pour essayer de comprendre comment je suis arrivé là-bas, comment ça s'est passé jusqu'à... C'est avant-hier, on m'a dit que bon, on m'a embauché maintenant, on m'a employé. Et tout ça, sans même savoir, non, on n'a pas regardé mon diplôme, sans rien. Puis bon, j'arrive pas à comprendre vraiment ce que je l'ai fait, c'est merveilleux. Je ne peux pas définir comment. Je ne peux pas expliquer comment j'ai fait pour me retrouver là-bas. Je ne peux pas expliquer. Amen, amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Souviens-toi de que Chabda se trouve chez toi. Tu es mon papa, n'est-ce pas? Le frère est mon papa dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que nous avons passé une bonne dimanche. Nous allons, dimanche prochain, soyez sérieux. Ça, c'était le premier test pour que chacun puisse tester comment utiliser les outils. Dimanche prochain, plaise au Seigneur, on va bien entrer dans l'enseignement. On va partir à partir de ces témoignages-ci pour entrer dans l'enseignement spécifique pour la Côte d'Ivoire. D'accord, mes frères? Amen. Mais en tout temps, enseignement, essayez d'aider la sœur Christine par rapport à sa connexion. Essayez de l'aider comment utiliser Skype. Essayez de causer. Même après moi, là, essayez de causer pour vous entraîner avec cela. Le frère Olivier, là, essayez d'échanger avec le frère Yao. Vous échangez pour essayer de voir comment vous connecter avec le frère Arthur. La sœur Assetou, elle est où, la sœur Assetou, là? La sœur Assetou m'entend? Elle a coupé son micro. Ok, ben, si elle m'entend, j'aimerais savoir comment... Mais voici, frère Julien. Voilà, ma sœur, comment tu vas depuis la Côte d'Ivoire? Comment tu vas? Comment tu ressens? Comment tu vas, la vie spirituelle? Comment tu dors maintenant? Tu ne bois plus le lait des pasteurs? Comment il s'appelle encore, là? Florian, ou c'est Florian, ou c'est Laurent? Laurent, raconte-nous. Papa Florian. Oui. Florian. Il y a un bruit chez toi. Frère Olivier, coupe ton micro. Frère Olivier, coupe ton micro. Frère Olivier, il faut couper ton micro. Frère Olivier, si tu m'entends, coupe ton micro. Oui, c'est chez le frère Olivier qui a le problème. Oui, la sœur a c'est pas chez moi. Oui, non, c'est pas chez toi, c'est chez le frère Olivier. Oui, ça. Je crois que le frère Yao Dieu doit avoir le problème avec ça. Va soit, soit sa connexion est finie. Oui, parle-nous, la sœur Assetou. En tout cas, ça va maintenant par la grâce de Dieu. Je dors bien. Oui. Et Dieu m'a fait grâce. Mon mari m'a rappelé à la maison. Oui. Donc, je rends gloire à Dieu. Et après ton départ, en tout cas, tout va bien pour moi. Ton cœur va comment avec ton mari maintenant? Tu l'aimes encore? Donc, le Seigneur restaure les chemins. Je l'aime. Amen. Regarde, c'est fort. En tout cas, il ne faut pas y aller fort. Erifor. Le frère Diamandé, il est encore au volant. Oui, je crois que la semaine prochaine, il faut qu'on parle aussi avec le frère Diamandé. Il faut qu'on parle avant de continuer à la parole. Parce qu'il faut qu'on en donne la parole maintenant pour vous, par rapport à la Côte d'Ivoire particulièrement. Vous savez que c'est mon pays, c'est l'un de mes pays là-bas. Il faut que le frère Diamandé parle. Je crois que la semaine prochaine, on va parler aussi avec son épouse. Ah, je suis content. C'est comme si j'étais encore en Côte d'Ivoire avec vous là maintenant. Bon, mon petit frère, oui. Oui, mon frère. Au niveau des heures, là, parce que comme il y a un décalage horaire entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, je ne sais pas à quelle heure GMT, là, il faut qu'on soit connecté. Voilà, maintenant, il est 16h, il est 16h30 ici au Cameroun. Chez vous, il est quelle heure? 15h30. Attends, il est 17h30. Il est 16h30 chez vous. 15h30. Donc ça veut dire que nous avons une heure de plus chez vous par rapport à vous. Oui. Donc ça veut dire que normalement on doit commencer à 11h de chez vous, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. 11h de chez vous, donc 12h ici chez nous au Cameroun. Donc notons comme ça là, 11h de la Côte d'Ivoire, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, soyons à l'heure, mais utilisez tous ces moments-ci pour essayer de profiler la façon dont de vous connecter. Comme ça, le dimanche prochain, qu'on ait de bonnes expériences par rapport à la connexion. Aidez surtout la sœur Christine, s'il vous plaît. Pas de soucis, frère Junior. En tout cas, je vous laisse sous la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous protège, qui veille sur vous. Et je continue à partager sur le forum pour mieux expliquer à ceux qui ne savent pas se connecter. Comment se connecter, comme ça on se retrouve dimanche prochain, plaise au Seigneur, à 11h d'Abidjan, 12h de Douala au Cameroun. Amen. Merci bien. Que la grâce et la paix vraiment vous soient multipliées. Salut moi les frères, tous les autres frères, dites-leur que je les aime, que Dieu vous bénisse franchement. Amen. Amen. Frère, dans la paix. On t'aime aussi. Amen. On aime le Cameroun. Amen. On vous attend ici au Cameroun, vous allez manger le ndolé avec le mbongo. Amen. Soyez bénis. Amen. Servez toujours le Seigneur. Shalom. Amen. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur dans les corps de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, servirai sa présence, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin. Notre âme, notre vie, notre cœur, notre âme, notre chant.